Chapitre 9. Les rêveurs n'arpentent pas les spires, mais ils dessinent. Leur dessin est centré sur le fonctionnement de l'être humain, du mouvement de ses membres jusqu'à la structure de ses cellules. Nous rêvons et nos rêves guérissent. Maître Carboast, mémoire du 7e cercle. Lorsque la nuit tomba, les compagnons continuèrent à avancer, éclairés d'abord par les étoiles, puis par la lune qui se levait. Chevaucher dans ces conditions était une expérience formidable, et quand Edwin lui enjoignit d'aller dormir dans le chariot, Camille sursauta. « Je suis pas fatiguée ?» s'étonna-t-elle. Elle quitta Murmure avec regret et s'allongea entre les sacs à la place que venait de libérer Maniel. Artis Valpierre, toujours près de Maître Oudouhome, paraissait soucieux. Le vieil analyste se trouvait dans un état second, oscillant entre veille et sommeil, avec des difficultés à respirer et une douleur dans la poitrine. « Je ne peux pas encore me prononcer », expliqua le rêveur. « Il est sous le coup d'une fatigue extrême qui perturbe mon diagnostic. Il faut attendre. » Camille ne trouva rien à dire. Elle savait seulement que le vieil homme ne devait pas mourir. C'est avec cette pensée qu'elle ferma les yeux. Plus tard dans la nuit, Elana la tira d'un sommeil sans rêve. Salim dormait roulé en boule à côté d'elle. Artis menait l'attelage. Maître Oudouhome ne bougeait pas et dans l'obscurité, elle ne vit pas s'il était éveillé. « Murmure t'attend !» chuchota la jeune femme. Camille sourit et se dressa. Le cheval noir marchait, le flanc collé contre la ridelle du chariot. Elle n'eut qu'à l'enjamber pour se retrouver sur son dos. Elana se coucha à la place de Camille et la nuit continua à se dérouler, interminable. Une éternité plus tard, le ciel pâlit. De nouveaux bruits montèrent des taillis. Les animaux diurnes sortaient de leur tanière. Camille se sentait détendue, presque euphorique. Peu à peu, les étoiles s'estompèrent, le jour s'installa. Edwin annonça une halte à un endroit où la visibilité était bonne, pour qu'il se restaure. « Nous ne risquons plus grand-chose », annonça-t-il. « Je ne pensais pas que nous progresserions aussi vite. Nous quitterons les collines en milieu de journée. Atteindre Al-Jet ne sera plus qu'une formalité, surtout lorsque nous aurons traversé le pôle image. » Maître Oudouhome allait mal. « Il a besoin de repos », déclara Artis Valpierre. « Mon art de rêveur est impuissant si on ne donne pas le temps à son corps de récupérer. » Le vieil analyste était toujours couché à l'arrière du chariot. Il était très pâle et se plaignait de violentes douleurs à la poitrine et dans le bras gauche. « Nul besoin d'être rêveur pour s'apercevoir que son cœur en a pris un coup », lança Elana. « Il a passé l'âge de la course à pied. » Artis allait répondre quand Edwin intervint. « C'était courir ou mourir », affirma-t-il avec force. « Maintenant, écoutez-moi. Si nous avons franchi les collines de Taj, nous ne sommes pas encore à Al-Jet. Pour arriver sains et saufs, nous devons faire corps et ne pas gaspiller d'énergie à discutailler bêtement. » La tirade avait été brève, mais elle porta ses fruits. Elana ravala ses sarcasmes et Artis retourna s'occuper de son malade. La matinée se déroula dans un silence quasi complet. Chacun semblait perdu dans ses pensées et les phrases échangées, mises bout à bout, n'auraient pas rempli 10 minutes de conversation. Salim voyageait à l'intérieur de lui-même. Il prenait conscience que sa décision de suivre Camille l'avait définitivement coupé de ce qu'il connaissait. Il continuait à en être heureux, mais le trait qu'il avait tiré sur son passé lui offrait un avenir vierge dans un monde inconnu qui l'inquiétait un peu. La guerre finirait un jour. Que deviendrait-il alors? Où irait-il? Pourrait-il rester avec Camille? Il détailla autour de lui les adultes qu'il côtoyait depuis si peu de temps. Il lui était déjà plus proche que sa famille. Maniel, le colosse, garde de la ville d'Alvor, soldat de métier, modelé par la discipline et les règlements. Il s'était ouvert depuis la mort de son compagnon Hans. Il commençait à montrer son véritable visage, bienveillant, sympathique. Pourtant, Salim savait qu'il ne pourrait jamais être soldat. Bjorn, le chevalier, Salim ignorait de quoi vivait un chevalier. Il avait tout de même compris qu'il fallait avoir de l'argent, des terres, des biens pour se permettre de passer sa vie sur les routes, de quête en quête. Salim, lui, ne possédait rien. Edwin? Impossible. Il n'y avait qu'un Edwin, et le poste était pris. Artis, le rêveur. Drôle de gars, pas méchant, mais pas vraiment sympathique. Pas assez pour que Salim ait envie de s'enfermer pour des années dans un château. Fût-il aussi beau qu'Ondiane. Maître Douhom, l'analyste. Difficile de penser qu'un jour il serait peut-être aussi vieux que lui. De toute façon, Salim était né dans un autre monde et avait autant de dons qu'un petit pois. Inutile d'envisager de dessiner ailleurs que sur une feuille. Les yeux de Salim croisèrent ceux d'Elana, qui lui sourit. La jeune femme était tout ce qu'il aimait. Indépendante, rebelle, exubérante, joyeuse. Il se remémora sa première et unique leçon. Il avait eu l'impression de se glisser dans un costume taillé sur mesure. Elana ne lui avait pas parlé des marches sombres et il devinait qu'elle mettrait peut-être des mois à le faire, si jamais elle le faisait. Pourtant, il percevait là quelque chose d'autrement plus alléchant que la vie de soldat, de rêveur ou même de chevalier. Un futur pris dans les millions de futurs possibles se dessina soudain avec une extraordinaire précision. Salim fut marche ombre, non en rêve, mais dans une réalité décalée qui avait les couleurs de la vraie vie. La vision n'eut beau durer qu'une poignée de secondes, elle suffit à le rendre profondément heureux.